Il avait envie de prendre à ferme tous les remblais de la ligne du Nord pour y semer des pommes de terre, ou bien d'organiser sur les boulevards une cavalcade de monstres où les, entre guillemets, célébrités de l'époque figureraient. Il louerait toutes les fenêtres, ce qui, à raison de 3 francs en moyenne, produirait un joli bénéfice. Bref, il rêvait un grand coup de fortune par un accaparement. Il était moral cependant, blâmait les excès, l'inconduite, parlait de son, entre guillemets, pauvre père, et tous les soirs, disait-il, faisait son examen de conscience avant d'offrir son âme à Dieu. Un peu de curaçao, hein? Comme vous voudrez. Quant à la République, les choses s'arrangeraient. Enfin, il se trouvait l'homme le plus heureux de la terre. Et, s'oubliant, il vanta les qualités de Rosanette, la compara même à sa femme. C'était bien autre chose. On n'imaginait pas d'aussi belles cuisses. À votre santé. Frédéric trinqua. Il avait par complaisance un peu trop bu. D'ailleurs, le grand soleil l'éblouissait. Et quand ils remontèrent ensemble la rue Vivienne, leurs épaulettes se touchaient fraternellement. Rentré chez lui, Frédéric dormit jusqu'à 7 heures. Ensuite, il s'en alla chez la maréchale. Elle était sortie avec quelqu'un. Avec Arnoux, peut-être. Ne sachant que faire, il continua sa promenade sur le boulevard, mais ne put dépasser la porte Saint-Martin, tant il y avait de monde. La misère abandonnait à eux-mêmes un nombre considérable d'ouvriers. Et ils venaient là, tous les soirs, se passer en revue sans doute, et attendre un signal. Malgré la loi contre les attroupements, ces clubs du désespoir augmentaient d'une manière effrayante, et beaucoup de bourgeois s'y rendaient quotidiennement par bravade, par mode.